Cette semaine, de nouveaux appareils Nikon Z en vue, Digital Max 2020, transférez vos photos Facebook vers Google Photos, les meilleurs appareils photo instantanés, et on a un petit défi pour vous. Vous écoutez Objectif numérique, épisode 162. Stéphane Vaillancourt au micro et je suis en compagnie de Pierre-Luc Groslot. Oui, salut Stéphane. Salut Pierre-Luc. On n'est que nous deux pour cet épisode. Christian était occupé puis il a décidé de prendre une petite semaine de repos. C'est vrai que le rythme hebdomadaire était un peu plus effréné étant donné que Christian, on l'avait déjà mentionné, mais il continue de travailler lui malgré toute cette histoire, donc un petit peu moins de temps libre que toi et moi. Exact, donc, avec les défis de travailler à la maison avec des enfants aussi. Oui. Parlant de défis, on en a un tantôt pour les auditeurs et les auditrices. Je donnerai plus de détails après les nouvelles, tiens. Parfait. Qu'est-ce que tu as fait, toi, côté photo, depuis la semaine dernière, finalement? Moi, j'ai profité des quelques belles journées où on avait du soleil pour aller faire de la photo dans le Vieux-Montréal. Ouais. Deux journées de suite, on était quand même assez chanceux. Soleil avec des nuages quand même assez chargés qui donnent une belle ambiance dramatique, là, une belle lumière, même en début et milieu d'après-midi. Mm-hmm. Donc, j'ai même été surpris, considérant la météo, là, du peu de gens qu'il y avait. Donc, ça m'a permis de faire de la photo à des endroits où, habituellement, il y a beaucoup de monde. Puis, pour les gens qui sont allés faire un tour dans le Vieux-Port dans les dernières semaines, là, il y a comme une nouvelle... un espace commun qui semble appartenir à l'AML, okay. Qui est l'organisme qui gère les croisières qu'on a. Mais il y a un très, très bel escalier, une belle bâtisse quand même moderne, puis une super plateforme qui doit faire une centaine de mètres, j'ai envie de dire. Puis peut-être un 30, 40 mètres, 50 mètres peut-être même de largeur. Donc c'est comme un très grand espace ouvert avec comme des bancs de parc qui sont très très longs où plusieurs gens peuvent s'asseoir. Ça donne une super super vue parce qu'on est un peu ça surplombe le fleuve puis de la commune. Donc on a une vue sur les silos numéro 5. Puis on a une vue sur Habitat 67 qui est juste de l'autre côté du fleuve évidemment. Mm-hmm. On voit un petit bout là, du parc de la Cité du Havre. Puis là, plus près de nous, à gauche, bon, on voit les bâtiments qui sont le long de la commune. Donc c'est quand même super intéressant. Puis il y avait beaucoup de potentiel photographique, là, comme je disais, à cause que le ciel était chargé de nuages. Donc, c'est ça, j'en ai profité, puis je suis très, très, très content des résultats. Ah, ben tant mieux. On a hâte de voir ça. Tu vas pouvoir en mettre une ou deux, au moins, dans les notes d'épisode, j'imagine. Avec grand plaisir, oui. Super. Moi, de mon côté, j'ai pas fait beaucoup de photos. J'en ai fait un petit peu. En fait, j'étais en train de faire la rédaction d'un texte pour convertir son appareil photo en webcam, en caméra web. Parce qu'il y a des pénuries de webcams partout depuis le début du confinement. Évidemment, tout le monde veut parler à ses proches en vidéo pour les voir. Tout le monde fait des vidéoconférences. Et il y a plusieurs personnes qui sont devenues soit des podcasteurs en vidéo, YouTubers, streamers, Twitch, etc. Donc, c'est difficile d'en trouver. Il y en a encore quelques modèles, mais pour ceux qui ne veulent pas trop se casser la tête, je mettrai un lien dans les notes d'épisode. Là, un petit texte que j'ai fait qui permet de savoir justement quel type d'appareil photo, est-ce que ça prend, quels accessoires, etc. Puis quel logiciel aussi. Puis j'ai fait une photo pour justement présenter l'article. Puis je me suis installé avec un petit trépied Gorillapod. Puis mon Sony A7 avec un micro, avec une espèce de momoute au bout là, pour couper le vent. Là. Ouais, ouais. Donc, pour que ça ait l'air vraiment d'un microphone. Puis, c'est devant mon... Ben, en fait, l'appareil photo est juste derrière mon ordinateur portable, donc pour remplacer la caméra de l'ordinateur portable. Et là, je voulais mettre une image comme de visioconférence. Et là, j'ai dit, bon, ben, je vais mettre une image de moi en train de m'appeler. Mais quand toi, tu te parles sur Skype ou n'importe quoi, tu n'es jamais en gros plan. Donc, je me suis appelé avec mon téléphone. Et là, il fallait que je cadre mon image avec mon téléphone d'une main et que je cadre ma photo avec l'autre main. C'était du sport. Ça m'a pris une dizaine de tentatives. Aïe, parce que là, je voyais mon reflet. J'ai des miroirs derrière moi. Oui. Je voyais mon reflet dans le miroir. Puis là, je voyais un coin de... En tout cas, ça a été toute une histoire. Mais t'es arrivé à un résultat qui te satisfait quand même? Oui, c'est pas parfait. Là, on voit un peu, disons, un casque d'écoute puis un ou deux des micros du studio là, pour le podcast dans un coin de l'image. C'est pas parfait, mais ça fait justement... Bon, j'étais installé chez moi sur une table puis il y avait des trucs, là, donc c'est pas trop grave. Et ben le but, c'était juste que les gens voient que on peut faire des appels vidéo avec son appareil photo installé sur un petit trépied. Là, c'était amusant. Puis ben l'éditeur en chef m'a félicité pour ma photo, donc j'imagine bon, qu'elle est correcte. Je pense que ça va intéresser pas mal de gens et d'autres gens qui sont curieux, là, parce que ben, je me retrouve un peu... j'ai fait de la recherche là, pour essayer de trouver une webcam qui serait un peu supérieure à celle que j'ai en ce moment. Mm-hmm. C'est une webcam... Logitech que j'ai depuis, je sais pas, peut-être un 3-4 ans, mm-hmm. mais j'ai épluché pas mal tous les endroits où on pourrait acheter des webcams via Internet, et c'est vraiment pas évident, il reste pratiquement pas grand-chose. Il reste des petits modèles d'entrée de gamme qui vont être équivalents ou même moins bons que ce que j'ai en ce moment. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un boîtier, là. Ben oui, ben en fait, tu sais, tu t'en doutes quand même. Je veux dire, avec un boîtier, tu mets l'objectif que tu veux, la focale que tu veux, tu peux mettre la profondeur de champ que tu veux. Tu sais, tu n'es pas obligé d'avoir recours à des effets logiciels, si tu veux, parce que, bon, maintenant, Skype, on peut brouiller un peu l'arrière-plan. Zoom permet de mettre des arrière-plans différents. Il y a des trucs comme ça, mais c'est pas parfait, là. Tu sais, on... En tout cas, je suggère certains trucs. J'aurais pu encore m'étendre sur le sujet parce que maintenant, il existe des écrans verts pour justement... permettre de mettre des images en arrière-plan, là, n'importe quoi. Mais bon, je me suis quand même un peu restreint. J'étais rendu un de mes plus longs textes, je pense, à vie sur Best Buy. OK. Donc, il y a du stock, il y a beaucoup de modèles. Je suggère autant des appareils, quelques petits appareils réflexes, pas trop chers, des sans-miroirs, des caméras d'action, un peu à la GoPro. On peut se servir des GoPro, évidemment. Puis j'explique pourquoi, ben oui, on a un téléphone avec une caméra, des tablettes, etc., mais pourquoi c'est pas l'idéal non plus, là. Donc, en tout cas, vous irez voir ça, je vais mettre le lien dans les notes d'épisode. Cool, génial, moi je suis très intrigué, là, même que tu parles de GoPro. Ah oui, bon. Ouais. À suivre. Puis sinon, ben l'autre... Ben, il y a deux autres petits trucs. En fait, j'ai officiellement lancé mon site web pour ceux qui n'avaient pas vu l'annonce passer. Donc, vous pouvez aller voir le stéphanevaillancourt.com tout simplement. Puis vous verrez un petit peu mon portfolio, les services que j'offre. Bon, belle autopromotion, mais je suis vraiment content après tout ce temps-là. Là, ça a pris plus d'un mois et demi à travailler dessus vraiment presque quotidiennement là, pour arriver à ce résultat-là. Donc, j'ose pas imaginer combien de temps ça aurait pris si j'avais continué à travailler. Ça aurait peut-être pris un autre 6 mois, 1 an avant que ça voie le jour. Ouais, c'est... T'as tiré parti, on va dire, là, du temps supplémentaire que tu avais. Tant mieux, c'est cool. On va aller voir ça. Puis, j'en ai profité pour finir aussi le studio. J'avais justement acheté une penderie. J'en ai parlé la semaine dernière. Mm-hmm. Nouvelle bibliothèque aussi. Puis là, ben, j'ai changé la table du studio. Donc là, j'ai... suffisamment d'espace pour mettre tous mes instruments de musique, l'équipement pour le studio, puis il me reste encore beaucoup de place. Je vais même pouvoir jouer à des jeux de table pendant quand il n'y a pas d'enregistrement. En fait, j'ai pris ma table de salle à dîner qui mesure, en tout cas, je vais le dire en pouces, là, parce que je ne l'ai pas mesurée en centimètres, mais elle fait 39 pouces par 72 ou 71. Donc, c'est quand même... ouais, c'est une table pour s'asseoir à 8, tu sais, de façon confortable, là. Puis, donc c'est ça, 1,80 m, je dirais, dans ce cas-là, ouais, tant qu'à y aller, en longueur, puis 40 pouces, ben c'est à peu près 1,10 m. je sais pas, 1 mètre, 1 mètre 10, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, ça fait une belle grande table. Puis elle est brune. L'ancienne table était blanche et ça jurait un peu dans le décor. Donc, j'ai fini ça maintenant, après 4 ans que j'avais mon installation originale. Ben là, tout est mis à jour, tout est prêt. Puis je suis vraiment content. Là, t'as un bel endroit qui est prêt à accueillir d'autres gens pour des collaborations podcast, si je comprends. Mais ben, si t'invites des gens à souper, les gens s'assoient par terre. Exactement, c'est ça. Non, j'ai changé la table, mais la table de salle à dîner maintenant est un tout petit peu plus petite. Mais de toute façon, souvent, je suis soit seul avec mes enfants et parfois il y a ma copine. Donc, on est souvent 3 ou 4, pas plus que ça. C'est rare que je reçois beaucoup de gens à manger. Puis sinon, ben j'ai encore l'ancienne table blanche du studio qui est repliable, donc qui a les pattes repliables en fait. Donc, je peux l'installer à côté ou faire une espèce de grand carré pour asseoir quand même 8 personnes autour ou plus, là. Donc, j'ai pas de problème au niveau de la salle à manger. C'est bon. C'était plus pour te taquiner, bon. Là. Trêve de parenthèse sur la situation culinaire chez moi. Ouais. On va passer au bloc nouvelles. On a plusieurs nouvelles cette semaine. Et Pierre-Luc, t'en as une intéressante. C'est encore au stade de rumeur, je pense. Mais... Ben oui, mais pour les gens qui suivent le monde de la photo un peu régulièrement, là, généralement, quand les nouvelles se retrouvent sur les sites de rumeur, c'est possible que les compagnies soient un petit peu impliquées dans le processus, qu'ils aient contribué à faire couler de la nouvelle. Je pense que ça fait partie du jeu là, que les compagnies jouent maintenant. Ils essaient de voir quel pourrait être l'enthousiasme du marché, puis tenter le terrain. Là. Ben c'est ça, c'est un risque calculé, puis en faisant ça, ils contrôlent aussi la quantité d'informations qui fuitent, donc c'est à leur avantage exact. Un peu. Bon, évidemment, là, tout le monde s'en doute que ce que ça peut représenter là, en termes de temps et de moyens là, pour développer des nouveaux boîtiers, quand même sachant que le monde de la photo... se vend moins d'appareils unitairement là, d'année en année. Donc, il y a un risque financier. Là, puis, j'imagine d'autant plus en ce moment, ça doit être difficile. Mais bref, je veux juste parler de Nikon qui, là, il y a des rumeurs de 3 appareils qui sortiraient au cours de l'année 2020. Puis on va se le dire, l'année 2020 est quand même avancée. Mm-hmm. Donc, il s'agit du Z30. Z5 et Z8. Donc le Z30, là, ça serait un appareil APS-C de moyenne gamme qui probablement là, qui n'aurait pas la vidéo 4K comparativement au Z50 qui est sorti un peu plus tôt cette année. Okay. En fait, donc même en 2019. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Sûrement un peu plus abordable que le Z50. Donc, Nikon, clairement, il semble s'en aller de plus en plus vers le sans-miroir, là, au lieu de développer, je vais dire, un nouveau modèle pour changer le D5600, par exemple. Ben là, on s'en irait vers ça. Ensuite de ça, un Z5 qui serait leur nouveau modèle... plein capteur, mais d'entrée de gamme, donc sûrement un peu inférieur au Z6. Là, je rappelle que le Z6, c'est un appareil qui est quand même 24,5 mégapixels, qui est quand même assez standard, et qui fait de la vidéo 4K aussi. Donc, qu'est-ce que le Z5, comment il s'inscrirait en bas du Z6? Ça reste à voir. C'est pas encore très, très clair là, pour l'instant. Mm-hmm. Puis, il y aurait, et ça, c'est super excitant, là, un Z8 qui serait un appareil professionnel avec un capteur emprunté à Sony qui est le capteur IMX455. Là, ce sont les rumeurs. On parle quand même de 61,4 mégapixels. Ah oui. Donc là on a un très gros capteur pour photos de paysage, photos de studio évidemment. Avec double carte mémoire, là, puis on se rappellera que le Z7 a été critiqué, je sais pas si c'est justement ou injustement, mais du fait que, bon, il n'y a pas de double entrée pour la carte mémoire, là, c'est seulement la carte CFast. Oui. Donc, c'est ça, mais c'est quand même super, super excitant d'avoir un nouveau modèle encore plus haut de gamme que le Z7. C'est le capteur Sony dont je parle, là. C'est le même capteur que dans le Sony A7 R4. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Ouais. Un 61 mégapixels, ça ressemblait pas mal à ça. Ouais. Ben, Sony font quand même la plupart des capteurs qui sont sur le marché. Là. Mm-hmm. Puis les compagnies vont en faire une certaine adaptation en fonction de leur boîtier et tout ça. Mais moi, je trouve ça quand même vraiment excitant là, avec de la vidéo 12 bits 8K. Avec encore le Z6 et le Z7 sont stabilisés au niveau du boîtier, là, la technologie IBIS, donc j'assume que le Z8 va l'être également. Mm-hmm. Ça commence à faire la recette de quelque chose de très très très excitant, en tout cas, au moins en ce qui me concerne. Puis les gens qui sont nikonistes, probablement qui sont excités aussi là. Oui, oui, oui. Eh bien, tu vois, pendant que tu parlais, j'ai remarqué que le Z30 n'aurait pas de viseur électronique. Donc, ça serait que par l'écran qu'on pourrait viser. En tout cas, selon le site, là, ça reste au stade des rumeurs, là, évidemment. Okay. Mais de ce que je vois là, il n'y aurait pas de EVF, là, Electronic Viewfinder, ouais. Comme le Z50. Le Z50 en a un, lui. Donc, en tout cas, à voir. Ça sera à confirmer, évidemment. Mais ça pourrait expliquer, justement... l'appareil à prix plus abordable, donc vraiment pour attaquer le marché du sans-miroir. Là, ouais. Peut-être au niveau de l'équivalent de Fuji, peut-être, vu que c'est un APS-C. Moi, je pense vite comme ça au X-Pro 3. Oui. Mais le X-Pro 3, ça reste un produit, bon, ça reste une niche, là, mais c'est quand même pas un produit d'entrée de gamme comme le Z30 le laisse ouais. Présager. Mais bon, avec un écran qui a une bonne luminosité, un bon anti-reflet, puis qui pivote, on peut très certainement vraiment bien se débrouiller sans, mm-hmm. sans viseur. Là. Bon, à voir. Et toujours en fonction du prix aussi. Là, des fois, le prix fait que c'est comme ça que tu développes un intérêt de la part... des amateurs de photos, là. Ouais. Faut voir. Exact. Toujours dans les rumeurs, je vois, mais ça fait plus d'un an là, qu'il y a des rumeurs à ce sujet-là, mais j'ai vu peut-être la possibilité d'un Sony A7S III. Je vais surveiller ça au cours des prochains jours. Là. Il semblerait que il y a des annonces du côté de Sony qui viennent d'être faites ou qui vont être faites très très bientôt. Là. Je vais jeter un coup d'œil là-dessus, mais un A7S III, ça fait longtemps que le A7S... a pas été mise à jour. Ouais. Oui, A7S2, là, j'essaie de me souvenir si c'est pas 2016-2017, quelque chose comme ça. Je pense, ouais, ça ressemble à ça. Donc, ouais, ça fait quand même un bout de temps que les vidéastes attendent ça. C'est cool, quand même, Sony continue d'annoncer des modèles, continue d'innover. On va suivre ça attentivement. Super. Moi, de mon côté, je sais pas, la plupart d'entre vous avez sûrement un compte Facebook, mais avez-vous un compte Google Photos? Parce que Facebook vient d'annoncer une façon de transférer, d'une façon sécuritaire, de transférer toutes vos photos vers Google Photos. Ça paraît un peu étrange, mais c'est une fonctionnalité que Facebook veut offrir. Évidemment, il y aura d'autres services qui vont s'ajouter à ça, mais pour le moment, il n'y aurait que Google Photos comme service offert. Mais si, étant donné qu'on a souvent le réflexe de publier nos photos sur Facebook pour les montrer à nos amis, nos parents, etc., on ne va pas nécessairement reprendre la photo et l'envoyer dans Google Photos. Si, disons, moi, dans mon cas, ça se fait automatiquement parce que j'ai activé la synchronisation avec Google Photos, mais pour les gens qui ne l'auraient pas fait, il y a une façon, ou qui l'auraient fait, mais qui veulent récupérer des photos plus anciennes, bien, il y aurait... moyen là, d'aller chercher ça. Donc, en quelques clics, là, il suffit d'aller dans les paramètres de votre compte Facebook. Ensuite, vous allez sur, en anglais, là, c'est « Your Facebook Information », mais si vous allez en français, c'est « Vos renseignements Facebook ». Donc, vous cliquez là-dessus et ensuite, vous avez l'option transférer une copie de vos photos ou vidéos. Et là, la seule chose, c'est qu'il faut le faire en deux étapes. Il faut transférer vos photos d'abord ou vos vidéos et ensuite faire l'autre. Donc, l'option est déjà accessible. Même si vous êtes déjà connecté sur Facebook, par contre, il va falloir entrer de nouveau votre mot de passe, qui est une simple question de sécurité. Mm-hmm. Mais moi, l'option se trouve dans mon compte, c'est déjà accessible. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, là, je mettrai même une petite mise, une petite marche à suivre en français dans les notes d'épisode. Mais sinon, je vais mettre un lien vers l'article complet aussi, là, d'où l'information provient. Cool. Connais-tu Adobe Max? Non. Non, c'est la grand-messe Adobe, grand-messe annuelle où Adobe annonce parfois des nouveaux produits, des nouveaux services, etc. Et généralement, ben, c'est seulement les gens du milieu, les artistes et tout ça qui vont là et qui paient un prix d'entrée. Mais là, étant donné la situation actuelle en 2020, Adobe Max devient Digital Max et va être un événement en ligne ouvert à tous. Donc, vous irez voir ça. Ils promettent que ça va être un des événements les plus immersifs, imaginatifs et innovants de l'année. Rien de moins. OK. Donc, la barre est haute. Mais j'ai hâte de voir ça. Je suis très curieux. Ça va avoir lieu du 19 au 21 octobre 2020. Donc, vous pourrez aller voir ça. Cherchez Digital Max en deux mots. 2020, et puis ou aller sur le site d'Adobe. J'imagine qu'il va y avoir une annonce de fait directement sur le site d'Adobe. Là, c'est quand même c'est super intéressant là, parce que je m'attends à quelque chose, un petit mélange entre le CES et les keynotes d'Apple, quelque chose comme ça, où on a des annonces de nouveaux produits. Mm. J'imagine là, qu'ils vont parler des nouveautés de leur logiciel, des choses comme ça. Oui. Mais peut-être avec la réalité virtuelle d'intégrer. Peut-être un monde virtuel qui vont inviter les gens à se promener. Parce que moi, j'ai vu une espèce de conférence comme ça du côté de la France. Ça s'appelait Laval Virtual et c'est pas Laval... Laval au Québec, c'est Laval en France ou un nom d'entreprise, je me souviens pas. Mais c'est, je vais encore le nommer, c'est l'ami Laurent Billot qui m'a invité. Puis je suis allé faire un tour, puis on avait chacun notre avatar. On pouvait aller dans des salles de Microsoft ou d'autres fournisseurs. Puis on avait même des salles privées. Il avait vraiment aménagé un monde virtuel, une espèce de palais des congrès immense avec plusieurs lieux. Il y avait des... Écoutez, c'était vraiment génial. Tu pouvais justement te prendre une petite salle privée, fermer la porte, puis personne d'autre pouvait entendre ta conversation. Il y avait un paquet de trucs comme ça. Tu pouvais, syntoniser une conférence qui se donnait à un écran devant toi dans une salle. Puis là, ben, tu écoutais les présentateurs, puis tu voyais leurs avatars parler devant toi. C'était vraiment cool. Donc, si Adobe se lance dans un truc comme ça, effectivement... Ça va être innovant puis vraiment intéressant là, et interactif forcément puisqu'on se promène dans un monde virtuel carrément là, à ce niveau-là. Wow! Mais là, tu m'intrigues puis on va suivre ça assurément. Oui, oui, oui. Et on salue Laurent ben oui, par la qui bande. Aura encore eu une mention dans cet épisode. Bon, de ton côté, toi, tu nous parles d'un petit gadget intéressant. Je dis petit, là, mais c'est avec des guillemets radiophoniques, mettons. Oui, c'est ça. En fait, la compagnie CineStill, puis pour les gens qui font de la photo argentique, là, ils vont connaître, là, c'est quand même une compagnie qui est connue, qui, vous avez vu, là, ils ont un rendu très, très particulier au niveau de leur pellicule. Ils modifient des pellicules Kodak là, pour que ça soit compatible pour l'imprimante C41. Puis ils ont un rendu très, très, très cinématographique. Là. C'est reconnu, en fait, on dirait que c'est fait sur mesure là, pour de la photo de soir-nuit où il y a des néons puis des choses comme ça. Là. En vous montrant des exemples, là, vous en auriez probablement déjà vu puis vous ne saviez pas que c'était utilisé avec ces pellicules-là. Mais là, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de commercialiser toute une série d'outils, accessoires là, pour être capable de faire la numérisation de films à la maison. Là, ce qui est particulier, c'est que ce n'est pas exclusif au 35 mm. Ils ont décidé d'étendre ça aussi à la pellicule 120 et la pellicule 220. Donc là, pour les gens qui ont soit du 6x4.5 ou 6x9 là, au niveau du film, ben là, ça devient super intéressant. Bon, il y a une petite boîte, là, un socle... dans lequel on va mettre notre pellicule. Ils ont une petite table lumineuse là, selon le format qu'on aura choisi. Puis pour les gens qui sont un petit peu familiers, là, il y a un indice CRI qui est quand même très très haut. Donc ça veut dire que la qualité de la lumière va être très très très belle, va être très fidèle au niveau du rendu, ce à quoi... Ben, je connais pas ça, mais CRI, je me dis à ce moment-là, ça va être quoi? Color Rendering Index ou quelque chose comme ça, j'imagine? Exact, ouais, okay. C'est exactement ça, Color Rendering Index. Puis, pour les gens qui ont déjà eu à magasiner un panneau LED, par exemple, là, soit dans un contexte photo ou dans un contexte vidéo, le matériel là, qui est de bonne qualité, vont toujours indiquer c'est quoi l'indice CRI. Et plus l'indice est élevé, meilleure la qualité de la lumière va être, puis il va y avoir moins de fluctuations aussi dedans. Donc, si vous faites un vidéo, vous faites des photos, il n'y aura pas de différence au niveau du rendu de lumière. OK. Donc, c'est ça, il y a la petite boîte pour le film, il y a les boîtes lumineuses, il y a un genre de trépied support sur lequel on va fixer notre appareil. Puis, les accessoires pour pouvoir tenir le film. Mais ça a l'air... Ça est vendu séparément. Je regarde le... T'achètes ouais, ça morceau là, par morceau. Ça vient d'être annoncé, OK? Ils ont annoncé ça le 25 avril, là, je crois, ou 24. Donc, il va y avoir très certainement des ensembles de faits selon là, si on va choisir le 35, le 120 ou le 220. Mais effectivement, pour l'instant, là, ils vendent les morceaux séparément. Donc, c'est un truc IKEA à monter soi-même. Là. Ça peut être un beau projet, là, justement. Moi, je me souviens, j'avais numérisé, je pense, 1800 diapositives là, il y a quelques années. Ça, j'y allais à coup de 5, je pense. Ouais, la plupart des numériseurs là, vont avoir la possibilité d'en faire 5 à la fois. Puis là, avec le logiciel à l'interne, on peut déterminer est-ce qu'on veut les couper ou bien on veut faire un énorme fichier puis couper ensuite, ou etc. Mais bon, là, ça rend le truc un peu portatif, là, j'ai envie de dire. C'est plus simple de le faire, surtout si c'est pas dans un contexte qui est fait à la maison, là, que de trimballer avec un numériseur. Là, bon, c'est le genre de truc qui est quand même... c'est imposant, c'est lourd, puis c'est assez fragile. Là, c'est pas le genre de truc que je voudrais me trimballer... régulièrement avec. Donc, on va vous mettre le lien, là, évidemment, dans les notes de l'épisode. Là, vous irez voir. C'est quand même... c'est à suivre. Oui. Intéressant. Parlant de trucs... oui? Ben, en fait, je regardais les notes, là, puis là, j'ai envie de dire, toi, tu nous as trouvé quelque chose qui est dans la même lignée, là, puis qui m'a l'air au moins aussi intéressant... Sinon plus, même. Ben c'est assez spécial. Si vous avez des boîtiers argentiques, mais que vous aimez vraiment le rendu de la pellicule, etc., mais que vous êtes habitué aussi avec votre appareil numérique et vous aimez ça, voir les réglages d'exposition, etc., ben sachez qu'il y a un projet Kickstarter qui est de retour et qui s'appelle... Étonnamment, I'm Back, qui est en fait un endo numérique pour appareil photo argentique. Donc, c'est assez spécial, mais c'est un peu comme si on ajoutait une poignée pour la photo de portrait, une poignée à pile, à batterie, là, sur son boîtier, sous le boîtier. Et évidemment, il va contenir des piles parce que l'endo est numérique, mais c'est que ça sert justement à visualiser des informations à l'endo. Donc, ça faisait... 4 ans, je pense, qu'il n'y en avait pas eu de nouveaux modèles comme ça. En tout cas, au moins 2-3 ans. Puis maintenant, si au départ, c'était seulement pour le Nikon F, je pense, le tout premier modèle, là, il y a toute une liste. Il y a des appareils Canon, Contax, Diana, Leica, Minolta. il y a des appareils Nikon, il y a au moins une quinzaine, je pense, de modèles. Olympus, il y a les OM1, 2, 3, 4 et 10. Pentax, Practica, Ricoh KR10 et Yashica. Donc, il y a vraiment beaucoup de compatibilité. Et je suis allé voir la foire aux questions et ils disent que si jamais le boîtier n'est pas sur la liste, ça pourrait quand même être compatible avec ce qu'ils appellent le Universal Cover qui est déjà inclus dans la boîte. Donc, ça se pourrait qu'avec une espèce d'adaptateur, là, ça puisse quand même fonctionner. Si l'endo de votre appareil, argentique est détachable sans l'endommager, peut-être que ça peut fonctionner aussi. Donc, évidemment, ils n'ont peut-être pas essayé tous les appareils qui existent. Non, non. Mais ça semble vraiment super intéressant comme projet. Puis, j'ai pas regardé le prix, honnêtement. Ouais, c'est ça. Je vais aller voir la campagne. Je suis sur la page en train de regarder. On va ouvrir le kit. Je suis pas dans la bonne monnaie, là. 299 CHF. Mais bon, c'est un projet au moins à aller voir, ne serait-ce que par curiosité, pour voir de quoi il en retourne, là, même si vous n'avez pas un appareil argentique. Mais on voit justement un Nikon F4 avec cette espèce d'endo, d'étui qui est ajouté. Évidemment, l'appareil devient plus haut, plus gros, parce qu'il faut mettre des piles, faut mettre l'endo, etc. Mais ça donne quand même la possibilité de donner une deuxième vie, peut-être, à votre appareil argentique à pellicule, puis de vous remettre à faire de la photo pellicule. J'ai aucune idée. Ben, en fait, là, je trouve ça intéressant, parce que, bon, évidemment, c'est pas une installation qui est permanente, là. Donc, je veux dire, on peut l'enlever, l'ajouter à sa guise. Là. Puis bon, je suis allé voir au niveau du prix, là, on parle d'environ 470 $ canadiens. OK. Donc. Puis c'est le kit là, avec le câblage, le chargeur, puis évidemment là, le dos qu'on va comme greffer au boîtier. Oui. Ah, pas mal intéressant, puis c'est ça. Donc, c'était 300 $ américains, j'imagine, mais CHF, je ne sais pas c'est quelle monnaie. Là. Enfin, mais c'est un beau petit projet à surveiller du coin de l'œil. Absolument. Puis, petite nouvelle aussi, il y a une Fujifilm qui fait une mise à jour de micro-logiciel pour le X100V. Mise à jour qui va lui permettre de résister à des températures plus élevées. Parce que, bon, il y avait des petits problèmes avec des appareils Fuji. Ben pas un problème, mais en fait, si on tournait longtemps de la vidéo, etc., c'est normal avec plusieurs appareils photo, l'appareil photo devient plus chaud. Et Fuji avait mis une espèce de limite au niveau de la température interne du boîtier et le boîtier s'éteignait automatiquement. Et puis maintenant, ben avec cette mise à jour-là, le micro-logiciel version 1.10, il va y avoir une petite option. Donc, vous pouvez choisir standard ou high, donc élevé. Et évidemment, on ne sait toujours pas c'est quoi la température standard ou normale. Mais si vous le mettez à high, Fuji dit que ça pourrait vous chauffer sérieusement les mains. Donc, c'est à utiliser sur un trépied, peut-être pour faire justement soit des longues vidéos, des trucs comme ça. Puis à ce moment-là, ben l'appareil photo ne va pas s'éteindre automatiquement quand il va atteindre la température normale de surchauffe. Donc, attention à vos doigts, vous êtes avertis. Quand même. Oui, mais au moins, il offre l'option. Probablement qu'ils ont eu beaucoup de demandes. Puis Fuji est à l'écoute de ses utilisateurs. Ils le disent souvent et ils le prouvent souvent. Donc, je trouve ça bien. Oui, c'est clair. Déjà, faire une mise à jour de micro-logiciel pour son appareil photo, c'est pas tout le monde qui le fait. Évidemment, on devrait le faire parce que souvent, ça débloque des fonctionnalités ou ça corrige des petits trucs. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui sont pas à l'aise de le faire. Donc, ces gens-là, justement, vont peut-être moins prendre de risques. Et donc, le fait que ça puisse chauffer les mains, ben peut-être au moins, ça leur arrivera pas. Ben, c'est clair là, que c'est pas tout le monde qui fait les mises à jour de micro-logiciels. C'est peut-être aussi un petit peu dû au fait que on n'est pas au courant qui a une nouvelle version d'un micro-logiciel. En effet. Je vais faire un parallèle avec une campagne de rappel pour la voiture. Là. Mm-hmm. Le concessionnaire t'envoie une lettre. Oui. Si Nikon, Sony ou peu importe, Canon fait une mise à jour de ton micro-logiciel, il n'y a personne qui va t'en aviser. Tu vas être au courant si tu vois passer... Si tu écoutes Objectif numérique. Ouais, mais tandis que là, nous, on est quand même assez assidus et rigoureux là, sur ces annonces-là. Effectivement, les gens qui nous écoutent vont pouvoir le savoir. Mais tu vas être d'accord avec moi, là, je pense que ça peut complètement passer à côté. Ah, puis on est juste pas au courant qu'il y en a eu une, deux ou trois. Exact. On peut passer à côté, même nous qui faisons de la recherche sur le sujet. Moi, je regarde une fois de temps en temps, justement, sur le site de Sony pour mes appareils et mes objectifs. Ben, une fois de temps en temps, c'est peut-être une fois ou deux par année, disons, mais quand même, je me dis, ah, ben, il y a eu une mise à jour il y a 3 mois, je l'ai manqué. Ben, là, je vais faire la mise à jour. Mais sinon, effectivement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant là, quand il y a des mises à jour de disponibles. Je viens de faire la mise à jour pour mon Z7, puis là, je réalise que j'étais 2 mises à jour en arrière. Je suis quand même à les 2 pieds dedans à la journée longue, donc si ça m'arrive à moi, ça peut arriver à tout le monde, clairement. Bon, avant de passer, on a 2 topos cette semaine, mais juste avant, ben, je vous invite à nous suivre et à vous abonner. On est partout, sur Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher... à choc.ca le samedi midi et sur Rivercast Media. Donc, allez nous laisser une petite note pour nous encourager si vous appréciez et un petit commentaire aussi. N'hésitez pas non plus à nous envoyer vos questions, commentaires et suggestions directement, soit par notre page Facebook à Objectif Numérique, soit sur Twitter au numérique ou sur Instagram Objectif Num. Sinon, il y a toujours le bon vieux email, le bon vieux courriel à podcast@objectifnumérique.com. Pierre-Luc, tu nous parles des meilleurs appareils photo instantanés. Moi, quand je parle d'appareil, je pense à appareils photo instantanés, je pense au bon vieux Polaroid là, qui sortait une photo. C'est de ça dont tu nous parles? Ben oui. Le bon vieux Polaroid là, que tout le monde a eu lorsqu'on était plus jeune. Ah oui. Évidemment, ça fonctionne encore. Là. Il existe des films pour ça qu'on peut acheter. Il y en a quelques endroits à Montréal. Mais outre que ça, là, il y a eu quand même d'autres modèles qui sont sortis ces dernières années. Bon, les formats vont avoir changé. Il va y avoir des fonctionnalités qui vont s'être intégrées. Là. Puis j'ai un lien là, où il y a une petite présentation de plusieurs modèles. Mais entre autres, des modèles de Polaroid là, qu'ils ont sorti le One Step puis One Step Plus. Donc avec un viseur, puis c'est branché en Bluetooth, donc avec votre téléphone, vous pouvez installer l'application, puis là faire un déclenchement à distance, entre autres. Là. Okay. Donc là, on marie l'analogique et le numérique, là, j'ai envie de dire, ça reste de la photo instantanée. Ça ressemble à une thématique redondante dans cet épisode-là. On parle d'un numériseur, on parle de l'appareil du dos I'm back, on parle des appareils photo instantanés. Il y a une tendance, là, je pense. il y a des trucs que je trouve super intéressants. Là, le concept même d'avoir de la photo instantanée, la personne qui a inventé ça dans les années 70, je pense que les raisons sont encore aussi bonnes aujourd'hui, même si on est 40 ans plus tard. Là, oui. On va faire de la photo avec nos appareils, on va faire de la photo avec nos téléphones cellulaires. On peut se l'envoyer, là, on peut la mettre sur Facebook, sur Instagram, on peut se l'envoyer en message texte, mais de l'avoir physiquement, d'en faire un album, de pouvoir l'offrir à quelqu'un, de faire un montage, de la mettre dans un album, il y a quelque chose de spécial, je trouve, par rapport à ça. Puis il y a vraiment beaucoup d'offres. T'sais, je parlais du One Step de Polaroid. Les gens là, vont peut-être reconnaître le modèle Instax que Fuji fait, qui fait de la photo là, de 2 pouces par 3 pouces. C'est quand même extrêmement populaire là, auprès des plus jeunes. Ben moi, j'ai une petite imprimante Instax Share 2, je pense. Puis ma fille a capoté là-dessus. Elle a imprimé un paquet de photos. J'avais reçu comme 3 paquets de photos, en fait, de feuilles, là, en noir et blanc et couleur. puis elle s'était fait une espèce de petite murale avec plein de photos là, qu'elle avait imprimées. Puis ça reste toujours super intéressant d'avoir des photos physiques qu'on peut accrocher, même si c'est un petit format. Pour les enfants, c'est parfait. Ou même pour les, je pense aux grands-mères sur leur frigo, des trucs comme ça, ça c'est super le fun. Puis là, les gens vont se faire un montage ou t'es à une fête d'anniversaire. Il y a quelqu'un qui peut être là, qui va prendre des photos avec son téléphone ou etc. Mais si on a physiquement les photos, puis je trouve que c'est une bonne façon aussi d'enseigner aux plus jeunes à prendre son temps. La photo analogique, c'est pas le rythme aussi rapide que quand on fait de la photo en numérique, mm-hmm. parce que là, chaque photo compte. Oui. Donc là, on va prendre le temps de bien composer, de s'assurer que la source de lumière qu'on a est quand même adéquate, etc. Donc, avec les jeunes enfants, on peut commencer avec le cadrage, puis juste l'idée de prendre son temps, mais si les plus jeunes, ils ont la piqûre, ben on peut ajouter des notions, là, puis c'est quand même super créatif. Mm-hmm. Puis il faut savoir là, qu'il y a quand même des gens qui... des artistes reconnus, des photographes qui ont fait des expositions avec de la photo Polaroid, là. Mm-hmm. Y a moyen d'être... d'être créatif au niveau du sujet, puis du traitement, puis etc. Donc, je vous invite à aller voir ça. Il y a quand même des modèles qui vont imprimer sur des formats qui sont quand même assez intéressants. Là, on parle de 3 pouces à 6 pouces, Instax Wide qui imprime en grand format, le SQ6. Il y a des modèles là, qui permettent de faire de la lomographie aussi. Ah oui. Donc, c'est quand même pas mal complet. Puis c'est super amusant selon moi. Là. C'est des appareils qui sont portatifs, donc on peut les traîner avec nous en tout temps. Là. Puis voilà. Ben super. Excellent. Écoute, moi je recommande aux parents qui ont des enfants et qui ne savent pas quoi leur offrir. Au lieu d'acheter un simple jouet, là, un truc inutile, achetez un petit appareil photo comme ça à votre enfant, là, puis il va tellement avoir de plaisir à faire de la photo, là, à prendre des photos d'un peu de tout, mais évidemment, vous pouvez, comme tu disais, lui apprendre à calculer, à dire, là, chaque photo compte, je ne peux pas en faire autant que je veux, là. Qu'est-ce que je vais photographier? Apprendre à se préparer, à réfléchir, c'est vraiment un super outil, mais un outil amusant, puis même pour vous, même si vous êtes plus vieux, vous n'êtes plus enfant, ça peut faire partie d'un projet créatif, tu sais, ça peut être super intéressant. Et parlant de projet créatif, j'ai un petit défi. Tu vois, j'ai fait mon propre lien pour mon sujet. Ouais. J'ai un petit défi pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Étant donné qu'on est encore un peu tous pris à l'intérieur ou un peu à l'extérieur, mais évidemment, on essaie de restreindre les déplacements, on reste prudent, etc., j'ai pensé à vous lancer un petit défi. Défi auquel l'équipe devrait participer aussi, peut-être Christian, Maxime, peut-être même François, je vais lui lancer le défi, puis Pierre-Luc et moi. Photographier des objets de tous les jours ou autour de la maison, autour de chez vous, peut-être dans votre quartier si vous voulez, mais de les photographier différemment, sous un angle différent, sous un jour différent. Ça peut être en photo macro, mais quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu souvent en photo macro, ça peut être n'importe quoi, mettre... un filtre de couleur devant votre objectif pour changer un peu le sujet, etc. Je sais pas, de l'éclairage quelconque. D'expérimenter vraiment, et d'être créatif, original, puis de nous envoyer ça tout simplement pour le plaisir, en fait, pour réaliser un petit défi pour vous-même, puis pour partager ça avec nous, avec les autres auditeurs. Puis on pourra en parler... dans quelques semaines. On va quand même vous donner peut-être un 2 semaines là, pour faire ça. Puis nous, le temps de compiler tout ça, on va mettre la date de toute façon. Là, je vais mettre un petit article sur le blog, puis sur objectifnumérique.com, puis vous pourrez aller voir les dates exactes, la date limite pour nous soumettre votre photo. D'ailleurs, Pierre-Luc, tu avais trouvé deux photographes ou deux... En fait, c'est presque des vidéastes parce qu'ils ont fait des beaux montages vidéo pour nous montrer leurs trucs créatifs. Ouais. Donc, on va mettre des liens. Peut-être que ça pourra vous inspirer, vous donner des idées. Tu nous parles de Alex Jackson. Alex Jackson et Nico, qui effectivement, là, ils font de la photo et de la vidéo, mais c'est des gens qui se sont démarqués un petit peu. Là, puis, il y a quelques semaines, ils ont fait des vidéos que j'ai trouvées sur YouTube pour nous aider à faire des photos, de la photo créative à la maison, là, dans le contexte du fait que les sorties sont limitées, là, puis que pour les gens qui habitent en ville, il y a encore un confinement qui est à l'ordre du jour, disons. Mais ils nous invitent à utiliser des objets qu'on peut retrouver à la maison pour pouvoir faire de la photo un peu différemment. Je pense à du portrait, là, où ils utilisent des objets qu'il a pu trouver dans sa cuisine. Là, bon, il va faire de l'ombre et de la lumière sur le visage en l'utilisant comme une passoire à spaghetti, par exemple. Il va faire des portraits en créant un peu de diffraction parce qu'il fait sa photo où il va viser à travers une coupe de vin. Donc, la lumière qui va entrer dans le verre crée des effets qui sont quand même super intéressants. Ouais. Puis... il nous montre aussi comment faire une photo soit au ralenti ou à extrême haute vitesse, là, selon l'effet qu'on veut faire. Mais le principe est quand même assez simple. Là. Il échappe un quartier d'orange dans un verre, puis là, bon, il va figer le mouvement où on va voir le fruit descendre très, très, très, très tranquillement. Donc, tu sais, c'est des petits... Encore là, c'est comme des exercices, j'ai envie de nous dire, là, qui passent le temps, puis qui nous gardent un peu, qui nous gardent réveillés, puis qui nous forcent à être créatifs, à utiliser des objets qu'on a sous la main, puis à les voir différemment. Je trouve que ça passe le temps, là, puis ça permet des fois de développer des aspects de la photographie auxquels on touche moins, ou de débrouillard, là. Oui. Donc, c'est un peu ça. Mais il y en a vraiment beaucoup là, de ce genre de vidéos-là. C'est pour les gens qui cherchent. Mais ceux que j'ai trouvés, là, ils sont en français. Donc, en fait, je trouvais ça intéressant pour les gens qui nous écoutent. Bon, mais super. Puis, ben c'est ça, tu n'étais probablement pas au courant, mais au début du podcast, on avait fait souvent des défis photos. On avait, disons, une photo humoristique, une photo en gros plan. On avait vraiment un paquet de trucs. Puis à chaque épisode ou chaque deux épisodes, on faisait des défis photos comme ça. Puis les gens participaient quand même pas mal. C'était super intéressant. Il y avait des belles photos. Puis c'est pas un niveau professionnel nécessairement. Là, c'est vraiment amateur pour le plaisir. Donc, tu sais, le but, mettez-vous pas trop de pression pour participer. Là. Le but, c'est de se divertir, de s'amuser et de découvrir peut-être une autre facette de la photo que vous connaissiez moins. T'sais. Lancez-vous ce petit défi-là de faire quelque chose différemment de ce que vous feriez en temps normal. On va passer aux suggestions de la semaine. Pierre-Luc, tu nous parles d'un autre... Ben ça, c'est un concours, c'est pas un petit défi, là. C'est un concours auquel on peut participer. Oui. Celui-là, il est quand même... il est de taille, là. C'est le centre new-yorkais pour des arts de la photographie. Là, je m'excuse, okay. Là, je vous traduis le titre de... À la volée. De l'établissement. Ils invitent les photographes là, de partout à soumettre des photos pour un concours qui s'appelle la luminosité et l'impact de la lumière. Donc, pour les gens qui sont déjà allés à New York ou pas, là, mais qu'ils ont entendu parler de ce centre-là, c'est quand même hyper renommé. Là, puis c'est une école qui est suivie de partout dans le monde. Mm-hmm. Ils ont quand même des prix qui sont fort intéressants. Puis, encore là, je trouve qu'ils laissent place à... Ils donnent beaucoup de latitude parce que, bon, on va réfléchir à l'impact de la lumière. Presque tout ce qu'on fait en photo est en lien avec la lumière. Donc, de se creuser un peu la tête, là, d'essayer d'être créatif, oui. Puis de sortir des sentiers battus, c'est-à-dire, bon, comment je vais réussir à faire... une photo qui va se démarquer, qui n'aura pas déjà été fait, que ça amène son lot de défis. C'est quand même là un concours qui est présidé par un jury de 20 personnes. Okay. Puis il y a 20 autres personnes qui semblent être consultants. Puis il y a 10 personnes au total qui vont gagner des prix. Donc, ça s'adresse à tout le monde, là, mais je vous invite fortement à aller voir ça. Puis ça se termine le 23 juin, donc vous avez quand même le temps de cogiter un petit peu, puis d'élaborer un concept là, qui se démarque, puis de travailler sur vos tests et tout ça. Ça va être hyper intéressant, puis le niveau risque d'être assez relevé également. Là. Mm-hmm. Parfait. On va jeter un petit coup d'œil, je ne sais pas si j'ai une photo de calibre pour participer, mais on verra. tu nous parles maintenant d'un photographe de portrait. Oui, mon Dieu, comment je vais prononcer ça, moi? Je pense que c'est Joshua Teplitz ou Teplitz. Joshua Teplitz, oui, tu l'as bien dit. C'est quelqu'un qui fait du portrait comme d'une façon assez originale. Mm. Il y a une signature là, qui est très, très, très cinématographique. À l'occasion, là, on a l'impression qu'il fait de la double, de la triple exposition même. C'est quand même très, très, très léché comme rendu. Oui. Mais dans le genre, c'est un des meilleurs que moi j'ai vu sur Instagram. Sincèrement, prenez deux petites minutes puis allez voir ça. La qualité de photo est quand même assez exceptionnelle. Là, vraiment. Puis ça semble très inspiré du cinéma. Oui. Même si c'est pas le cas, je dirais même que des gens mm-hmm. qui écrivent des films pourraient être inspirés de ces photos. Oui, c'est vrai. Je me suis abonné instantanément. Ben voilà. Ça, c'est pour notre ami Joshua. Est-ce que je peux parler tout de suite de José Villa? Tu veux? Ben oui. Oui. Oui, vas-y. Ça, c'est quelque chose d'hyper excitant. C'est un ami à moi qui m'a parlé de ce photographe-là qui s'appelle José Villa. C'est un photographe de mariage. Selon ce que j'ai pu lire, là, c'est un des 10 meilleurs photographes de mariage qui est encore actif. Ah oui. Il a sorti une série de 3 presets pour Lightroom et Photoshop. Mmh. Par contre, c'est vraiment pas le genre de preset auquel vous avez pu être en contact. Là. Bon, on sait qu'il y a quand même beaucoup de grands photographes sur Instagram qui essaient de vendre des presets là, pour un peu leur recette, comment ils ont réussi à faire des photos qui ont très bien fonctionné. Mmh. Par contre, la particularité là, des presets que José Villa fait, c'est qu'il a choisi un groupe de pellicules Kodak, Fuji et Ilford. Mm-hmm. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il a reproduit exactement quel était le rendu de certaines des pellicules et il l'a rendu numérique. Mm. Donc, en allant sur le site, vous allez voir, il y a des exemples là, de photos qu'il a choisies où on voit un avant et après que le traitement soit appliqué. C'est phénoménal. Oui. Il y a des exemples, c'est ça. Dans chacun, tu as plusieurs photos avec le type de film. Là. Ça peut être du HP5 plus 400, Delta 3200. Tu as vraiment de tout. Et dans le Ilford. Là. Je pense qu'il a choisi les pellicules dans les pellicules les plus populaires, là, que ce soit Kodak, Fuji et Ilford. Bon, là, je regarde Kodak, là, il y a le Portra 400, il y a le Portra 160. Puis, bon, là, il y a des combinaisons entre la pellicule et l'imprimante, que ce soit la Fuji Frontier ou bien la Noritsu. Ça, c'est dans le cas de Kodak, là. Oui, oui, oui. Il y a environ, là, 6 à 8 presets par compagnie. En fait, je vois qu'il y en a 6 Kodak, 6 Fuji, puis Ilford, il y en a 6 aussi. Mm. C'est quand même, je suis un peu sans mots là, à quel point le rendu est fidèle ouais. par rapport à ce que moi j'ai pu voir là, en termes de résultats. C'est sublime. Bon, par contre, là, il doit y avoir beaucoup de temps et de recherche là, pour réussir à développer son produit final. Oui. Donc, les presets, c'est pas donné. Ils sont pas donnés, non. C'est 175$ pour le preset Kodak et 175$ pour le preset Fuji, puis 125$ pour le Ilford. En dollars américains, oui. Bien sûr. Bon, évidemment, le Ilford, c'est du noir et blanc, là. Mm. Puis Kodak et Fuji, c'est du couleur. Les exemples qu'il a donnés, là, c'est des photos de mariage. Mais moi, je vois très bien ça pouvoir s'appliquer à n'importe qui ferait du portrait à l'extérieur, là, dans un environnement qui est quand même un peu contrôlé. C'est vraiment impressionnant. Aller jeter un coup d'œil. Photographe de très grand talent. Parfait. Ben, super. Ouais. On va parler d'une autre photographe. C'est Maxime Soriol qui nous a envoyé cette suggestion. Et c'est une photographe un peu spéciale. En fait, Jackie Kenny, photographe, elle photographie le monde, elle fait le tour du monde, mais à partir de Google Street View. Donc, c'est une personne qui a reçu un diagnostic d'agoraphobie. Donc, oui. Juste sortir de chez elle, ça lui donne du stress, des crises de panique, etc. Donc, pour être en mesure de voyager malgré tout, elle a décidé de le faire par Google Street View. Et elle a un œil pour cadrer les photos. Vous irez voir le lien, là. Il y a des clichés magnifique. Il y a du traitement photo par-dessus en plus, donc c'est pas juste la photo Street View juste recoupée d'une certaine façon, là. Puis de ce que j'ai vu sur le site aussi, sur son site, c'est qu'elle va vendre probablement des impressions, etc. Là, c'est marqué « Coming soon » un peu partout. Donc, 20 ou 30 euros par cliché. Donc mais il y en a de très beaux, là. C'est vraiment étonnant. Ça sort de photos Google Street View. Il y a de très belles photos, mais moi, je suis super intrigué de sa démarche, là, parce que si on regarde les photos qu'elle a choisies, qu'on voit, elle a dû naviguer, je sais pas, à travers des routes de petits villages perdus un peu partout. Je sais pas comment elle a parcouru la map, là. Il y a des trucs qui sont quand même inusités, là, des clichés qui sont pris dans des drôles de moments. Oui. Puis y a des photos qui font quand même pas mal photos de rue. Puis c'est choisi, cadré, et comme si c'était vraiment... C'était volontaire. Ouais. Mais clairement, là, bon, tu sais, si on pense à comment ces photos-là ont été prises, c'est la voiture de Google qui se promenait, puis c'est juste une question d'être au bon endroit, au bon moment. Oui, en fait, une grosse partie du travail réside dans le temps passé à justement parcourir, faire le cadrage, le choix, puis après ça, il y a du traitement de l'image derrière. C'est sûr que, tu sais, la personne en ne pouvant pas sortir de chez elle, ben elle, c'est ses sorties, justement, c'est ça, ses voyages, donc ça lui fait du bien, j'imagine, en quelque part, tu sais, d'aller visiter le monde et donc passer du temps là-dedans. Ça, elle doit pas compter le temps qu'elle passe là à chercher. il y a quelque chose qui de semblable, je trouve, au Facebook FaceTime Challenge. C'est ta photo, mais c'est pas ta photo, là. Bon, oui. À l'origine, c'est pas elle qui a appuyé dessus sur le déclencheur. Ben bon, il y a la recherche derrière, puis le traitement, puis bon, s'assurer qu'il y a une certaine homogénéité à travers les photos qu'elle va avoir choisies pour créer une ligne directrice, oui. et tout ça. Que ça devienne une œuvre en soi, parce que sinon, ça demeure que les droits des images appartiennent à Google à la base, là. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a un petit clin d'œil au FaceTime Challenge dans un sens, là. Effectivement. Et puis un autre clin d'œil au FaceTime Challenge... Maxime nous a aussi fait parvenir ça. C'est Spencer Tunick et qui fait de la photo de nu. Vous le connaissez peut-être de nom. Il est déjà même venu à Montréal il y a quelques années. Et c'est un type qui fait de la photo de nu souvent en groupe, des grandes foules, mais aussi des individus. Et là, bien, en période de confinement, il continue à faire de la photo de nu, mais de gens chez eux, grâce à des plateformes probablement comme Zoom et compagnie. Il rassemble un paquet de gens. Il leur fait prendre une pause, des gens qui sont nus, évidemment, et puis il prend une capture d'écran, exactement un peu comme le FaceTime Challenge dont on a parlé il y a quelques temps, quelques semaines. Puis c'est son processus créatif qui se poursuit, même s'il n'est pas en mesure de diriger en personne et de voir les modèles, et etc. Il le fait à distance, donc les gens veulent bien se prêter au jeu. Beaucoup de gens qui portent des masques, des gens souvent qu'on ne voit pas le visage nécessairement. Ça fait partie aussi de la démarche. Là. Quand il y avait eu le rassemblement à Montréal, je me souviens qu'il me semble la plupart des gens ne voyaient pas le visage justement au moment où les photos étaient prises. Donc, vous irez voir justement toute la démarche derrière, d'où est venue son idée, etc. Là, c'est un article sur le site Esquire qui en parle. Et puis, Pierre-Luc, une dernière suggestion qui va se révéler probablement fort utile avec le beau temps qui arrive, mais où il ne fait pas toujours nécessairement beau pour faire de la photo. Tu as trouvé des trucs et des astuces de ton côté? Oui. En fait, c'est une photographe française qui s'appelle Aurélie Amiot. Elle est surnommée Madame Oreille. OK. Moi, je l'ai découvert sur Twitter, puis... Bon, je regarde ses publications de temps à autre. C'est une photographe de grand talent qui organise aussi à l'occasion, elle organise des voyages photos où, elle va enseigner aux gens à travers un petit groupe. Là, ils vont déterminer une destination, puis ils vont partir comme ça. Mais là, en fait, elle nous fait partager un peu son expérience, puis elle nous donne des trucs sur comment gérer le mauvais temps en voyage. Ou à la maison, là, ça s'applique là, quand on veut faire on veut faire de la photo près de chez nous. Mm-hmm. Évidemment, là, quand on parle de mauvais temps, là, je pense pas nécessairement à une journée où il y a de l'orage ou que il y a une tempête de neige, là, parce que les gens qui font un peu de photos vont être d'accord avec moi. Là. Ça peut être des très, très bonnes occasions de sortir son appareil mm-hmm. parce que bon, le ciel va être dramatique, il va être chargé. Puis ça va ajouter du caractère, puis la lumière va soit être très belle, soit être très, très sombre, mais bon, ça va ajouter quelque chose de très dynamique à nos photos. Mm-hmm. Mais autant un ciel bleu, sans nuages, ajoute peu, on va dire, à une photo, que ce soit du portrait ou du paysage, la lumière va être trop crue, autant on a des journées là, où il va y avoir un filet... un voile gris. Ou du smog, carrément. Ouais, ben, oui. Puis là, c'est difficile de travailler avec ça. Puis quand on est sur place, des fois, on s'en rend pas compte. Puis c'est en regardant nos photos après coup que, OK, ben, tu sais, il y a une partie de ma photo que j'ai fait le paysage ou, tu sais, photo architecturale, par exemple, ou du portrait. Puis c'est quand même intéressant, mais toute la portion du ciel... Oui, c'est ça, c'est soit gâché ou tu sais, ça fait des photos qui sont pas mémorables. Mmh. Puis bon, dans un contexte de voyage, là, tu choisis pas toujours la météo. Donc, si tu es là pour faire de la photo, ben, tu dois apprendre à composer avec la situation. Donc, c'est quand même une vidéo d'1h15 là, pratiquement où elle. Elle nous montre beaucoup de photos qu'elle a prises, autant du paysage que du portrait, dans plein de conditions de photos qui ne sont pas favorables, j'ai envie de dire. Là. Mais elle donne tellement des bons trucs. Par exemple, là, elle veut faire du portrait, puis elle semble être dans dans une ruelle où... En temps normal, là, je pense à une ruelle à Cuba, par exemple, il n'y aurait tellement pas de lumière que tu aurais un des deux côtés de la rue qui serait très sombre. Puis ça serait compliqué de juste bien gérer ton exposition pour avoir un côté qui est bien éclairé, puis l'autre avoir les détails dans la partie qui est dans l'ombre, puis etc. Mais là, ce qu'elle nous démontre, c'est que si le ciel est voilé, ben est-ce que ça joue un peu le rôle d'un diffuseur? Donc là, on voit très bien les deux côtés de la ruelle, puis on a accès à beaucoup d'informations, beaucoup de détails auxquels on n'aurait pas droit normalement. Mm-hmm. Un autre exemple, là, elle semble être dans un champ au Cambodge ou en Thaïlande, puis là, elle veut faire une photo de portrait, puis il y aurait peut-être un tiers du ciel qui serait comme voilé gris. Mais là, ce qu'elle décide de faire, c'est d'avoir une branche avec du feuillage au premier plan, qui est dans le haut de la photo, évidemment qui est flou, parce qu'elle ne fait pas la mise au point sur ça, elle fait la mise au point sur son sujet. Mm-hmm. Donc là, ça bloque la partie du ciel qu'on verrait normalement, qui ne rendrait pas la photo tellement intéressante, mais qui là, tu sais, camoufle le fait que ouais. Ben, c'est cet aspect-là du paysage est moins beau. Donc, elle a une panoplie de trucs et suggestions. Mm-hmm. Puis moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, puis c'est quand même assez facile de les mettre en application, là. Tu sais, si on prend soit des petites captures d'écran ou des notes, là. Puis mm-hmm. là, bon, OK, ben, okay, c'est, tu sais, aujourd'hui, je vais essayer de travailler cet aspect-là, ou essayer de rechercher tel élément là, qui va me permettre de contourner un peu le problème que j'ai. Donc, ben, je vous invite honnêtement à aller voir ça, parce que je suis convaincu là, que peu importe le niveau de photo auquel vous vous situez, vous allez apprendre des choses, puis c'est très dynamique. Ben oui. Puis si votre premier réflexe a été de dire 1h15, c'est long, mais ça fait 1h05 qu'on parle, donc c'est pas si long. Ah, mais c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil moi aussi là-dessus. Je suis très intéressé. Puis, ben, qui sait, peut-être que ça aidera pour faire les photos du petit défi qu'on a lancé un peu plus tôt dans l'épisode. Oui. On verra. Super. Ben, merci beaucoup, Pierre-Luc. Ça m'a fait grand plaisir, Stéphane. Ça a passé vite. Ça a passé absolument. Vite. Bon, puis on remercie Maxime aussi pour la recherche. Puis, on salue Christian. Bon repos. On se retrouve au prochain épisode. Merci, chers auditeurs, chères auditrices. Prochain épisode... Au prochain épisode, Pierre-Luc, on va avoir un invité. Je ne sais pas si tu veux nous en parler un petit peu. Oui, absolument. En fait, François Mellet, pour les gens qui se connaissent un peu le monde de la photo à Montréal, c'est quand même quelqu'un qui est un peu qui est connu dans le milieu. C'est le représentant Panasonic. Évidemment, là, il va être dans les différents événements photo. Il va faire des balades photo. Il va être là... au salon, par exemple, de la photo qui a lieu à l'automne, des choses comme ça. Mm-hmm. Mais là, il a accepté de venir nous parler du Panasonic S1H. Mm-hmm. Bon, il y a quelques semaines, là, on vous avait annoncé qu'il y avait un nouveau micro-logiciel qui sortira le 25. Donc, il va venir nous parler de ça. Puis, lui aussi a fait de la photo un peu différente, là, en étant à la maison de ces dernières semaines, ces deux derniers mois. Donc, il y a des trucs quand même assez intéressants auxquels il va vouloir discuter avec nous. Ah, ben c'est super. Puis, on va parler peut-être de l'iPhone 12, côté photo, bien sûr. Là, l'iPhone 12, mais est-ce qu'il a été annoncé? Non, pas encore, mais il y a des petites rumeurs qui courent. À son sujet déjà. OK, ben on va suivre ça. Ben oui. Donc, encore une fois, bien, merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci à toi, mon cher Stéphane. Et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. Et d'ici au prochain épisode, n'oubliez pas notre petit défi. À vos déclencheurs!